De vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet à partir du blog asile35.blogspot.fr. Bienvenue dans l'Asile le plus sûr, un peu à la bourre. Voilà, on commence la semaine à la bourre, c'est pas bien. Et je vous propose de démarrer avec un groupe que vous avez peut-être eu l'occasion d'admirer aux dernières trans musicales. Alors je crois que c'était celle de 2015. Le groupe Kunnarin, qu'on vous a déjà proposé dans cette même émission, combo originaire de Thaïlande, découvert par le producteur de Los Angeles, John Marcy, avec son label Innovative Leisure, suite à une série de clips postés sur Facebook. Voilà donc un groupe psychédélique qui pratique le Finn Prayuk, du nom de l'instrument lead, un genre de luth à trois cordes. Et je crois que Prince aurait rejoué de cet instrument s'il avait été Thaï. Et on écoute un titre de leur tout nouvel album, le deuxième, tout bonnement appelé 2 en chiffres romains, toujours sur Innovative Leisure, avec un titre totalement imprononçable. Tang Ai Tang Yo, une ode au Tang. On écoute le groupe Kunnarin Electric Finn Band. l'instant, l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Vous avez pu entendre à suivre un extrait du deuxième album du Kunarin Electric Band, Electric Fin Band, avec ce deuxième album toujours paru sur Innovative Leisure, comme le premier, donc le label du producteur californien qu'ils avaient découvert il y a de ça un an et demi, deux ans. On vous avait proposé d'ailleurs à l'occasion de ce tout premier disque, donc musique psychédélique, d'ailleurs ça faisait pas mal penser à des groupes de la fin des années 60, début des années 70, effet psychédélique hypnotique sur luth à trois cordes, et musicalement on pense beaucoup à Sun City Girls et à leur groupe d'imitation Asie du Sud-Est, Nung Fak, le groupe de Mark Jenkins de Sublime Frequencies, qui aurait pu produire également ce combo Kunarin. Et on a enchaîné ce titre du Kunarin Electric Fin Band avec un extrait du Florilège Resolutionary 7982, une compilation autour des œuvres de l'écrivaine et aussi musicienne à ses heures perdues d'origine new-yorkaise Vivienne Goldman, qui a fait partie un peu de la scène post-punk de la fin des années 70, début des années 80 en Angleterre, notamment aux côtés des Flying Lizards, avec laquelle on l'entendait sur ce titre de 1979, extrait de leur premier disque, si je ne m'abuse, elle qui a contribué pas mal à l'émergence de ses musiques dans ces années-là, notamment aux côtés de John Lydon de Peel, de Keith Levin, de Steve Beresford, de David Toop, et aussi les gens des Raincoats, des Slits, et éventuellement même Robert Wyatt. Elle était produite par Adrienne Sherwood du label On New Sound, et elle a sorti aussi des 45 tours, notamment le fameux Launderette au début des années 80, donc un mélange de créative, un mélange de dub et festive. C'est ça. Reprise du cours normal de l'émission. Voilà donc les camarades d'Ausberline qui avaient laissé le potard allumé puisque les bandes de diffusion étaient totalement plantées. Donc ça a repris. On va pouvoir reprendre le cours normal des activités de l'asile le plus sûr. Je vous parlais de Vivienne Goldman et son florilège, donc qui vient tout juste de sortir sur l'excellent label de Perpignan de monsieur Marcus Detmer, le label Stop Gold. Très belle compilation pour illustrer les œuvres de cette New-Yorkaise qui fut assez active à l'époque du post-punk. Et on va enchaîner tout de suite avec un extrait d'un disque qui vient tout juste de sortir sur le label Blue Tapes X Records. Il s'agit du combo The Library of Babel, qui est un groupe free folk de musique de chambre à cordes et un peu improvisé, un trio de Caroline du Nord de Asheville, très exactement, dans lequel on retrouve un guitariste, une violoncelliste et un bassiste. Et apparemment, ils ont tiré leur nom d'une nouvelle de José Luis Borges. Je vous en dis pas plus. On écoute tout de suite The Library of Babel avec un extrait de leur tout nouvel album qui s'intitule Blue 19. On écoute ce titre tout de suite. C'est parti. Alors, je sais pas ce que ça peut donner, cette musique un peu western spaghetti jouée au film Prayuk, le luth thaïlandais. En tout cas, c'était joué par des Américains, les Diminished Men, et leur tout nouveau disque qui s'appelle Vision in Crime. Alors, les Diminished Men qui sont un trio dans lequel on retrouve le batteur des Master Musicians of Bukake, Dave Abramson, en compagnie de ses acolytes Simon Henman et Steve Schmidt. Alors, ils ont déjà sorti pas mal de trucs, notamment sur le label Bowels of Lunacy. Ils sont à leur septième disque, quelque chose comme ça. Ils sont aussi produits par le label Abduction, dont s'occupent les ex-Sun City Girls, qui avaient déjà sorti, je crois, un de leurs précédents opus. Donc, produit par Alan Bishop. Oui, c'est le troisième en date pour Abduction. Le précédent était sorti en 2013. Celui-ci donc s'intitule Vision in Crime. Il est vraiment très très bon de bout en bout. Vous pouvez vous ruer sur la musique des Diminished Men les yeux fermés. Et juste avant, il s'agissait d'un tout premier album par The Library of Babel. Jeune formation, trio à cordes assez prometteur. Mélange free folk, improvisation et musique de chambre. Donc un trio de Asheville en Caroline du Nord, mené par le guitariste Chen Parrish en compagnie de Emily Unakit et Frank Meadows. Voilà pour Library of Babel et ce Blue 19. On va continuer avec un musicien qui lui aussi produit depuis quelques années. Il est originaire de Melbourne, mais je le découvre avec ce disque. Il s'agit de Kane Ikin, qui est un producteur de musique électronique expérimentale. Depuis 5-6 ans, il sort des disques. Ils avaient déjà sorti un album en 2012 sur le label 12K, et il vient tout juste de récidiver avec une production sur le label Type, l'excellent label qui produit quantité de choses dans le domaine des musiques électroniques contemporaines. Celui-ci s'intitule Modern Pressure. Il est vraiment très très bon. Il y a presque un petit côté coilien d'ailleurs dans la musique de Kane Ikin. Vous allez pouvoir vous en rendre compte à l'écoute de ce Haze Shimmer par ce Kane Ikin. is the queen of a small country inside a petri dish. She's unhappy. She waits for a hero to come and does not know that Melvek, one of her noblemen, is in love with her. Ulge sings, sad, sad life, I wish he would come. There's a lot of excitement among the people of Ulge because a flying machine appears in the sky. After a while, the machine is spiraling down, losing height. Is it landing? The flying machine seems to have crashed. Among the townspeople, Ulge and Melvek both bemoan the accident. The Tabatoks, the wise men of Ulge, get to the wreckage, discuss what to do, and get busy helping. Maybe someone in there has survived. And really, a part of the wreckage gives way and the hero climbs out. He is unharmed. A secret door opens up, and a whole army gets out of the vehicle. The Winter Army destroys the land. The hero is, in fact, a usurper. Ulge and Melvek finally find each other. They flee the petri dish into an uncertain future. Thank you. une séquence de crooning assez étrange à l'écoute de l'Asile le plus sûr sur antenne 94 MHz qui a démarré avec un bout de cet excellent disque de Kane Ikin. Ça s'écrit Ikin, I-K-I-N, et le disque Modern Pressure sorti sur Type Records. Ça vient tout juste de paraître et c'est un excellent disque pour ce musicien originaire de Melbourne qui a déjà sorti 3-4 trucs précédemment, aussi d'ailleurs des maxi et notamment des choses sur le label 12K. Là ça sort sur Type et c'est tout aussi bon, ce disque Modern Pressure par Kane Ikin qui était enchaîné avec un titre aux Spoken Words de monsieur Blixa Bargeld, Christian Emmerich de son vrai nom, membre de Ansturzen 2 No Button et qui a fait aussi des backing vocals pour les Bad Seeds de Nick Cave, le Blixa Bargeld bien évidemment, qui était en compagnie de Théo Théardot. On les avait laissés au printemps 2013 à l'époque avec le disque Still Smiling et ils viennent tout juste de remettre le couvert avec un nouvel opus en duo sous le titre Neuricism et ça sort sur Specula, ça vient tout juste de paraître, c'est tout frais, Specula Records qui est le label sur lequel le compositeur un tantinet gothique Théo Théardot produit ses propres œuvres. C'est distribué d'ailleurs par Rocktrade, donc c'est disponible un peu partout, les disques de Théo Théardot qui est très très actif puisqu'il sort à peu près 2 à 3 disques par an désormais. On vous avait passé le précédent il y a de ça quelques mois, qui s'intitulait Le Retour à la Raison et qui était un ensemble pour des musiques composées à partir des fameux films de Man Ray, voilà, des années 20. Théo Théardot qui produit toujours une musique assez fantastique, très très production très très léchée et avec quantité de participants, notamment les gens du Balanesco Quartet pour ne citer que, et donc ce nouvel album Nerissimo, Théo Théardot et Blixa Bargeld. Voilà, on a terminé avec le duo lyonnais Klimperei et Eric Chabert, feu Eric Chabert d'ailleurs puisqu'il est décédé à la fin de l'année dernière. Eric Chabert qui était quelqu'un qui était assez important dans le domaine des musiques de traverse en France, notamment avec son blog L'Homme Moderne et aussi au sein de l'Observatoire des médias Action Critique Média qu'on appelle souvent Acrimed, dont il fut l'un des principaux activistes, donc un musicien et observateur des médias et penseur basé à Lyon en compagnie donc de Klimperei, monsieur Christophe Pechanatz qui est toujours très très actif lui aussi, 3, 4, 5 disques par an à peu près et des collaborations très régulières et ce depuis le milieu des années 80. Celui-ci s'intitule donc Sing John B. Cornaway, donc ce sont des textes de John B. Cornaway, je ne connaissais pas du tout donc je suis allé me renseigner. Apparemment c'est un poète contemporain qui est décédé il y a de ça une vingtaine d'années, qui était surtout actif dans les années 70-80 de la poésie contemporaine. Vous pouvez avoir des informations d'ailleurs sur le site du CIP de Marseille, par exemple, pour se renseigner sur John B. Cornaway. Et la musique de Klimperei et Eric Chabert, elle, est disponible sur l'excellent label Bruit Direct Disc sous le titre D-Lings. Et c'est un 33 tours qui est sorti en début d'année. On va continuer avec le retour des Remote Viewers. Remote Viewer, je crois que c'était un titre aussi d'ailleurs de Coil. Et là, il s'agit d'une formation britannique, trio de sax, ténor, baryton, soprano au départ, fondée en 97 à Londres. Ce sont les anciens Bishops for the Poor qu'on écoutait dans les années 90 pour des mélanges free rock, free jazz assez savants, David Petz et Adrian Norstover, et ils sont en compagnie de quantité de gens de la scène impro free européenne britannique, notamment le bassiste John Edwards par exemple, pour ne citer que lui aussi. Pas mal de disques des Remote viewers à intervalles assez réguliers. On vous avait proposé le précédent, c'était il y a de ça un an et demi, deux ans, sous le titre Crime Way sur RER Megacorp, c'était en 2015. Et ils sortent régulièrement des choses, et notamment une trilogie, Crime Ways, Pitfall, et donc celui-ci qu'on va écouter ce soir, qui s'appelle November Sky. Je crois que c'est le dernier chapitre de cette trilogie que je vous ai cité, et ça fait toujours pas mal penser à une sorte de musique de film noir avec avec des ambiances un peu free jazz et jazz contemporain. On écoute les Remote Viewers dans l'Asile Obscure. Thank you. Thank you. Une belle séquence de Polyfree, comme on les aime dans l'Asile le plus sûr, qui a démarré avec The Remote Viewers et ce November Sky qui vient de sortir en début d'année, qui est un peu la suite de leur frasque et de leur trilogie entamée avec City of Nets et Crimeway. Il y a eu Pitfall aussi, je crois que c'est cette même trilogie. Enfin, ils sont assez actifs, les Britanniques de The Remote Viewers, dans lesquels on retrouve aux côtés notamment de Adrian Northover, John Edwards et Mark Sanders à la batterie. Très bon disque comme toujours, avec des ambiances aussi électroniques mélangées au jazz contemporain, qui était enchaîné avec un jeune trio qui répond au nom de Cher 3, un trio dans lequel on retrouve deux vieux briscards, John Edwards et Steve Noble, la paire contrebasse batterie la plus célèbre des musiques improvisées européennes, aux côtés de la danoise Julie Kjær, K-J-A-E-R, qui est une jeune musicienne qui fait partie de pas mal de projets, notamment aux côtés de Pal Nissen Love au sein de son Large Unit. Elle joue aussi aux côtés du London Improvisers Orchestra, ainsi qu'avec pas mal de gens, des scènes improvisées et jazz contemporain, notamment Mark Sanders, dont on parlait, Dave Douglas, Louise Molo-Molo, John Russell, Dave Lipman, Varian Weston, Steve Beresford, de son compte évidemment Django Bates, avec lequel elle a beaucoup joué, cette Julie Kjær. Et donc elles viennent tout juste de sortir un disque tous les trois sur l'excellent label de Pedro Costa basé à Lisbonne, Clean Feed, dont on vous parle régulièrement dans cette même émission. L'album s'intitule Dobelt Ganger, quelque chose comme ça, totalement imprononçable du danois j'imagine. Donc Julie Kjær, retenez ce nom, l'album est vraiment très réussi de bout en bout. Et on a terminé avec la rencontre entre Yedo Gibson et Vasco Tria, un Portugais de Barcelone et un Brésilien d'Amsterdam, qui jouent ensemble depuis pas mal d'années, et notamment du côté de Barcelone. Ils ont joué avec quantité de musiciens, notamment aussi un peu avec des gens de ZX, et aussi tout ce qui bouge dans les musiques improvisées européennes. Voilà donc pour le duo Yedo Gibson et Vasco Tria, qui viennent de sortir l'excellent disque Inherent Chirality sur le non moins excellent label El Negocito Records, label belge de Gand, qui gère le club du même nom. Alors j'ai souvent l'impression que c'est un label, je sais pas, sud-américain, El Negocito Records, mais non, ils sont bien belges. Voilà donc pour cet excellent disque Inherent Chirality par messieurs Yedo Gibson et Vasco Tria. On continue avec une longue pièce et une réédition de monsieur Trevor Watts, saxophoniste, clarinettiste, qui fit partie de l'aventure des scènes improvisées britanniques, notamment au sein du Spontaneous Music Ensemble, et avec ses propres formations Amalgam et autres Moiré Music. Et dans les années 70, le milieu des années 70, il avait un orchestre à cordes, le String Ensemble, dans lequel on retrouvait pas mal de gens, notamment le guitariste Dave Cole, qui faisait partie aussi de ses groupe Amalgam, ou autre Lindsay Cooper de la formation Henry Cow. Et donc ils ont sorti quelques disques ensemble, et notamment ce très très bon Sinosure, qui vient tout juste d'être réédité, qui était un disque sorti à l'époque sur Ogun, et qui est réédité grâce au bon soin du label de réédition High Forehead. Voilà, on va écouter un extrait de ce Trevor Watts String Ensemble, le temps de le caler d'ailleurs, puisque j'ai l'impression que je ne l'ai pas calé du tout. On écoute le titre Another Time par monsieur Trevor Watts et ses camarades à cordes. Thank you. Ultra funky, ce disque de Trevor Watts String Ensemble qui vient tout juste d'être réédité, s'intitulait Shinojure. Il était sorti sur l'excellent label de l'expatrié sud-africain Harry Miller, le contrebassiste, sur son label Ogun en 1976. Ça vient tout juste d'être réédité sur Eye for Head Records. Et je vous donnais une mauvaise information, Lindsay Cooper n'était pas du tout la joueuse de basson, mais un contrebassiste qui faisait partie aussi des scènes impro et qui collaborait notamment aux côtés de Trevor Watts à l'époque. Voilà, on va pas tarder à se quitter. Alors je vous donne une petite information concert. Les camarades de Cafioul qui font un concert demain soir, mardi 26 avril, au Barrick pour 7€ si vous êtes à Rennes, avec Pop 1280 et Sneers ainsi que Lonely Walk. Voilà, on va se terminer avec un dernier titre et un plasticien sonore du Portugal, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle André Gonçalves, qui a joué notamment aux côtés de quantité de gens tels que Phil Niblock, Tim Ecker, Kenneth Kirchner. Il avait sorti d'ailleurs un disque précédemment à ses côtés, David Marana, j'en passe des meilleurs. Et il a notamment développé un système de synthé modulaire, l'ADAC System, depuis quelques années. Et il produit une musique un peu bizarre, entre mélange de guitare électrique, de modulation de guitare électrique et de synthé modulaire. Il vient tout juste de faire paraître un nouvel album sur étiquette Shpuma. Shpuma qui est le label portugais, la subdivision du label Clean Feed dont on parlait tout à l'heure. L'album s'intitule Current and Riptides. Il fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Vous retrouvez d'ailleurs des titres en entier sur la version en ligne de l'Asile Plus Sûr sur son blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte avec ce titre de André Gonçalves et Pedro Boavida. Thank you. Thank you. give me a little bit. Give me the missing pieces. Give me something that fits. Give me what I've been waiting for in one piece or little bits. Give me just an atom more. Give me the one that fits. Give me your little finger. Give me the secret sign. Give me that special handshake. To know you're one of mine. Astonishment will make me linger. Doubt will slow me down. Or was it, or is it just the other way round? Give me an uninhabited world, a sign pointing to the door. Give me truth, or give me cherries. Give me a script worth learning for. Just hand me down a little treat. What is it that you conceal? Is it a useful recipe? Or are you holding my receipt? Doubt speeds up the process. Astonishment will slow it down. Doubt speeds up the process. Astonishment will slow it down. Down. Astonishment and doubt. Thank you.